Malgré sa constante irritation, son mari avait repris des habitudes d'amour oubliées depuis leur retour. Et il était rare qu'il passât 3 soirs de suite sans franchir la porte conjugale. Rosalie fut bientôt guérie entièrement et devint moins triste, quoiqu'elle restât comme effarée, poursuivie par une crainte inconnue. Et elle se sauva 2 fois encore, alors que Jeanne essayait de l'interroger de nouveau. Julien, tout à coup, parut aussi plus aimable. Et la jeune femme se rattachait à de vagues espoirs, retrouvait des gaietés, bien qu'elle se sentît parfois souffrante de malaises singuliers dont elle ne parlait point. Le dégel n'était pas venu, et depuis bientôt 5 semaines, un ciel clair comme un cristal bleu le jour, et la nuit, tout semé d'étoiles, qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendait sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. Les fermes isolées dans leurs cours carrés, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient endormis en leurs chemises blanches. Ni hommes ni bêtes ne sortaient plus. Seules les cheminées des chaumières révélaient la vie cachée par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. De temps en temps, on entendait craquer les arbres, comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l'écorce. Et parfois, une grosse branche se détachait et tombait, l'invincible gelée pétrifiant la sève et rompant les fibres. Jeanne attendait anxieusement le retour des souffles tièdes, attribuant à la rigueur terrible du temps toutes les souffrances vagues qui la traversaient. Tantôt, elle ne pouvait plus rien manger, prise de dégoût devant toute nourriture. Tantôt son pouls battait follement. Tantôt ses faibles repas lui donnaient des écœurements d'indigestion. Et ses nerfs tendus, vibrant sans cesse, la faisaient vivre en une agitation constante et intolérable.